La tragédie de juin 1940, le 18, le général de Gaulle va dire non. We shall fight in France. We shall never surrender. Cette guerre est une guerre mondiale. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'ordre est donné à la délégation française de signer la convention d'armistice. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Le dernier mot est-il dit ? L'espérance doit-elle disparaître ? La défaite est-elle définitive ? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Ce que vous venez d'entendre, c'est en effet le texte de l'appel du 18 juin. D'ailleurs, sur quel texte tablé ? Et vous aurez remarqué que ce n'était pas la voix du général. Tiens, pourquoi ? Alors, toutes questions qui trouveront sans doute réponse au fil de cette émission que nous faisons en ligne avec Aurélie Luneau. Bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Alors vous êtes productrice de radio, présentement du magazine sur l'environnement de France Culture. On entendra de larges extraits d'un documentaire que vous aviez consacré, l'autre millénaire, chère Aurélie, à l'appel du 18 juin. Parce que productrice de radio, vous êtes aussi une historienne de la radio. Votre livre sur Radio Londres fait foi. Et c'est assez logiquement que vous venez de publier chez Flammarion un appel du 18 juin. Alors on rappelle juste un instant les faits. Le gouvernement Reynaud a démissionné à Bordeaux, siège provisoire du gouvernement, remplacé par un gouvernement Pétain. Pétain va le 17 juin demander les conditions de l'armistice à Hitler, tout en disant d'un même mouvement, il faut cesser le combat. Il y a une certaine contradiction d'ailleurs entre ces deux termes de l'appel du maréchal Pétain. Et le 17, Hitler n'a pas répondu, il n'aura pas répondu non plus d'ailleurs les jours suivants. Il laisse mariner le maréchal. Il y a 4 militaires dans ce gouvernement Pétain, mais évidemment il n'y a plus le sous-secrétaire d'État à la guerre qu'était Charles de Gaulle, Aurélie Luneau. Eh oui, Charles de Gaulle avait été nommé sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre depuis donc le 5 juin. Il avait pris ses fonctions. Et d'ailleurs, depuis le 25 mai, il était devenu général de brigade à titre provisoire. Donc c'était un jeune général de 49 ans et tout jeune sous-secrétaire d'État à la Défense et à la Guerre jusqu'à ce 17 juin où il décide de rompre avec la légalité parce que, comme vous le disiez, il y a ces deux discours, 17 et 18 juin, il y a ces deux hommes et deux visions. Et pour le général de Gaulle, l'armistice, les demandes de conditions d'armistice et la défaite n'étaient pas tolérables. Il était venu dans un avion que lui avait prêté Churchill. Il va repartir à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, surencombré ce jour-là, le 17 juin, au matin. Faut imaginer l'aéroport de Mérignac. Romain Gary en donne une description dans La promesse de l'aube, notant que il y avait toujours des aviateurs qui partaient au combat parce que l'armistice avait peut-être été demandé, mais Hitler n'avait pas répondu et la guerre continuait, Aurélie. Et oui, on peut imaginer que c'était un temps avec beaucoup de confusion. Il faut rappeler qu'à l'époque aussi, il y avait 8 millions de Français jetés sur les routes de l'Exode, qu'il y a ces forces allemandes militaires qui envahissent le pays, qui vont très vite. Et donc, il faut agir. Alors, le 17 juin, au matin, on peut imaginer ce De Gaulle. Il avait retrouvé Edward Spears, qui était un officier de liaison britannique auprès de l'état-major français. Il l'avait retrouvé dans un hôtel à Bordeaux, l'hôtel Normandie. Et il avait aussi vu son directeur de cabinet, Jean Laurent, qui avait remis 100 000 francs pris sur les fonds secrets sur autorisation de Paul Reynaud. Et puis Jean Laurent lui avait remis les clés d'un petit appartement qu'il possédait à Londres. Et il va embarquer le général. Donc, et si vous le permettez, Aurélie, on va entendre la version officielle. Après, vous allez peut-être la détricoter, celle qui est portée par les mémoires de Gaulle, de guerre de Gaulle, une version pleine de calme et de solennité presque. Le 17 juin à 9h du matin, je m'envolais avec le général Spears et le lieutenant de Courcelles sur l'avion britannique qui m'avait transporté la veille. Le départ eut lieu sans romantisme et sans difficulté. nous survolâmes La Rochelle et Rochefort. Dans ces ports brûlaient des navires incendiés par les avions allemands. Nous passâmes au-dessus de Paimpont, où se trouvait ma mère, très malade. La forêt était toute fumante des dépôts de munitions qui s'y consumaient. Après un arrêt à Jersey, nous arrivâmes à Londres au début de l'après-midi. Tandis que je prenais logis et que Courcelle, téléphonant à l'ambassade et aux missions, les trouvait déjà réticentes, je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. De Gaulle à Londres aimera beaucoup raconter que le plus beau métier du monde, c'est celui de bibliothécaire archiviste à Avranches, par exemple. Et sur le coup de 50 ans, on se dispute avec le chanoine pour savoir si Anne de Bretagne a vraiment couché à Avranches ou pas. Ces querelles d'érudition ne sont pas sans importance. Elles peuvent causer, dit le général de Gaulle, du plaisir. Alors, les historiens de l'aviation disent... Geoffroy de Courcelles, l'aide de camp, il connaît rien aux avions. Il a raconté que c'était un dragon rapide. Pas du tout, c'est un flamingo. De la même marque, d'ailleurs, que le dragon rapide. La même marque, c'est de Havilland. Bon, point de détail, querelle de tête d'aiguille. Oui, mais si on regarde la version du voyage par le général Spears que vous citiez, Aurélie Luneau. Alors, ce général Spears, justement, a laissé d'autres témoignages. C'est vrai que là, on est face à des hommes qui laissent leur mémoire aussi. Donc, ils écrivent leur mémoire et ils réécrivent aussi potentiellement l'histoire. Guerre des mémoires entre De Gaulle et Spears, peut-être. Il faut quand même préciser que Spears était né en France, hein, d'un père anglais, d'une mère française. C'était un amoureux de la France. Il y avait vécu jusqu'à 15 ans. Et puis, voilà, un homme qui avait aussi combattu, a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, avait admiré le maréchal Pétain. Il avait eu beaucoup d'estime pour lui. Mais là, dans ce moment trouble, il est vraiment très proche du général de Gaulle et il va défendre la position du général de Gaulle. Mais, dit-on, plus tard, leur relation se serait détériorée. Et donc, on a ces versions différentes. D'un côté, Spears, qui va même présenter le général de Gaulle comme un peureux, hein, sur ce tarmac, en tout cas, sur cet aérodrome de Mérignac. Ce n'est pas du tout la version laissée par le général de Gaulle. Et ce n'est pas non plus la version laissée par Geoffroy de Courcelles, hein, son aide de camp. Je pense que ces deux hommes se sont peut-être combattu il y a eu une cassure, mais il faut quand même préciser que le témoignage qui a été laissé par Edward Spears est présenté par beaucoup d'historiens aussi comme un récit romanesque, voire même rocambolesque. Bah oui, parce qu'on voit le général de Gaulle se cacher derrière une colonne, oui, parce qu'il a peur d'être arrêté par les agents du ministre nouveau de la Défense, le général Végan. Allez, querelle de tête d'épingle aussi, il y a un témoin, un employé de l'aéroport de Jersey qui prétendra que le général de Gaulle, à l'escale de Jersey, a emporté un carton de Johnny Walker. Peut-être des players, des cigarettes qui lui seront utiles pour la rédaction de l'appel, mais enfin, du Johnny Walker. Alors, le voilà qui arrive à Londres, reprenant le texte des mémoires, Aurélie. Seul, sans nouvelles de sa famille, sa mère en effet est à Paimpont, en forêt de Brocéliande, la forêt fumante du texte, c'est la forêt de Brocéliande, n'importe laquelle, et la femme et les enfants, dont Anne, l'enfant handicapé du général, sont en Bretagne aussi, Aurélie. Voilà, et il a fait en sorte aussi, le général de Gaulle, d'obtenir la délivrance de passeport pour sa femme et ses enfants avant de partir, donc il se soucie quand même de les voir aussi, eux, quitter le territoire et le rejoindre. Et c'est vrai que quand il survole la forêt de Paimpol, il doit avoir une pensée pour sa mère qui est souffrante, d'ailleurs elle décédera au mois de juillet, hein, 1940, et il l'a revue quand même le 14 juin lors d'un voyage en Bretagne parce qu'il se rendait là-bas justement pour savoir ce qu'il pouvait faire embarquer depuis la Bretagne en direction de l'Angleterre. Et il était passé aussi à Carantec voir sa femme et ses enfants en leur demandant de se tenir prêts à partir au premier signal. Et donc lui-même, dans cet avion, quand il survole la forêt de Brocéliande et ensuite prend la direction de Easton, hein, près de Londres, il doit beaucoup penser à sa famille. Churchill aurait envoyé un avion s'enquérir de la famille du général, avion qui s'est écrasé près de Ploudaniel. Mais Yvonne de Gaulle, ignorant ses démarches, elle a décidé de se rendre de son propre chef chef dans un bateau à Brest, le dernier qui partait pour l'Angleterre avec ses enfants, dont Anne et sa gouvernante. Churchill, De Gaulle va le rencontrer le 17, toujours avec le général Spears, à Downing Street, dans le jardin, parce que Churchill n'a pas encore vraiment emménagé dans les appartements privés du Premier ministre britannique, Aurélie. Eh oui, c'est cela. Donc De Gaulle rencontre Churchill vers 15h dans son jardin du 10 Downing Street et il lui demande d'emblée l'autorisation de parler à la radio, chose que Churchill lui accorde, mais pour le général De Gaulle, il ne le sait pas et je pense qu'il n'a pas eu connaissance de tout ce qui pouvait se tramer au sein du cabinet britannique, mais il faudra convaincre le cabinet britannique qui lui était inquiet de voir arriver ce général rebelle, hein, puisqu'il a quitté la France et il sort de la légalité, et inquiet de rompre les relations diplomatiques avec le gouvernement français qui était à Bordeaux. Alors, dans la nuit du 17 au 18, il dit qu'il prend logis dans un appartement dont un ami lui avait passé les clés. Il aura dîné avec Jean Monnet, le patron de la mission économique franco-britannique, le futur grand homme du fédéralisme européen. Jean Monnet ne tire pas une très bonne impression du général de Gaulle, non plus que sa femme Sylvia, après ce dîner. Et oui, c'est vrai que le couple appréciera certainement d'accueillir ce général, mais il y aura quand même certainement des réticences. Et puis, de Gaulle dira à la femme de Jean Monnet, avant de les quitter, qu'il n'est pas en mission, mais qu'il est là pour sauver l'honneur de la France. Et je pense qu'ils sont étonnés de voir aussi la capacité de cet homme à être si sûr de lui. Il faut pas oublier quand même que le général de Gaulle était traité de connétable depuis des années dans le monde militaire, que c'était un homme qui était quand même très sûr de ses positions, on peut dire peut-être un but de lui-même, il avait un fort caractère et qu'il n'avait pas hésité aussi à rompre avec les règles de la Grande Muette. Donc il n'hésitait pas à contredire des supérieurs, à exposer son opinion en laquelle il croyait ferme. Alors il dort dans un appartement dont on n'arrive pas à occulter les baies, alors qu'il faudrait que le couvre-feu s'y applique. L'appartement est un peu étroit à l'arrière et le lendemain matin, il commence la rédaction, peut-être vers 8h, de l'appel en fumant Players sur Players, des Players qui n'ont pas nécessairement été achetés à Jersey. Et il va confier la dactylographie, dit-on, de l'appel à la première Française libre, Elisabeth de Miribel, qui, comme lui, est une émancipée. Elle appartient à la famille MacMahon. Sa famille détestera l'idée qu'elle rallie la France libre. Ses communistes, ses francs-maçons, lui dira sa mère. Alors, Elisabeth de Miribel, vous avez, dans le documentaire que vous avez consacré au 18 juin 40, rapproché trois versions un peu différentes de cet épisode de la dactylographie. 1964, première version. Mais je n'ai pas tapé le fameux appel du 18 juin, je ne savais pas taper, je l'ai dicté à un volontaire qui était très vexé d'ailleurs de dicter sous les ordres d'une femme. 1970, deuxième version. Je savais très mal taper, mais je l'ai tapé avec une amie, François-Julien Durand, qui était venu avec moi de la mission Morand dans l'appartement de Laurent à Simon Place. C'est là où nous avons plus ou moins bien tapé le premier discours du général de Gaulle. C'est pas une écriture facile, mais elle est très belle. Il me semble pas que j'ai redemandé à Courcelles. Je crois que j'ai compris. 1971, troisième version. J'ai eu ce texte dans l'après-midi. Je l'ai tapé avec difficulté. J'ai demandé plusieurs fois à Geoffroy de Courcelles des mots que je n'arrivais pas à déchiffrer. Et j'ai remis les textes à Courcelles qui les a donnés à De Gaulle. Que Elisabeth de Miribel varie, ça ne doit pas faire qu'on ne lise pas ou qu'on n'entende pas ces témoignages. La liberté souffre aux violences, un des plus beaux livres qui soit sur la France libre. Mais évidemment, ça ne laisse pas de surprendre ces variations, Aurélie. Mais oui, c'est-à-dire que c'est le propre du témoin. Elisabeth de Miribel était une femme formidable et ça n'enlève rien justement à ce qu'elle a été une grande dame, à son engagement. Mais quand on réalise alors des documentaires, on a une posture certes de journaliste, mais quand on est aussi historien, donc historienne, et qu'on se retrouve avec des documents d'archives sonores qui ne donne pas la même version, on ne peut pas décemment faire le choix d'une version au regard de l'histoire. Et il faut se dire que les témoins aussi, eh bien, dans les années suivantes, il y a de l'oubli, il y a peut-être des confusions, une reconstruction de l'histoire a posteriori, sans forcément que ce soit intentionnel, mais il faut en tenir compte, et c'est vrai que je ne me suis pas senti le pouvoir de faire un choix, et j'ai décidé de donner ces trois versions. Je m'étais rapproché quand même de la famille aussi d'Elisabeth de Miribel, mais qui n'avait pas la solution et n'a pas pu m'aider à éclaircir ce point-là. Il faut juste considérer que l'histoire n'est pas blanche ou noire. Il y a encore des zones grises et que l'histoire, elle est appelée et amenée à évoluer au fil des découvertes et des archives. Et donc, c'est un petit peu ce qui se passe avec cette version d'Elisabeth de Miribel. L'histoire, ça sert à faire reculer l'obscurité, pas nécessairement à prononcer la vérité. S'il y a un texte dactylographié, c'est peut-être parce que les Britanniques, le cabinet britannique dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le cabinet de guerre, les ministres qui, à l'intérieur du gouvernement, s'occupent des choses essentielles, veut voir ce texte, le filtrer peut-être, Aurélie Luneau. Oui, ben comme ils ont cette inquiétude, hein, concrètement, de voir arriver ce général français en rupture, ils tentent vraiment par tous les moyens d'être encore dans cette diplomatie avec le gouvernement français. Et puis ils espèrent, hein, que la France respectera les termes de la déclaration franco-britannique qui remonte au 28 mars 1940 et selon laquelle les deux gouvernements se sont engagés à ne pas négocier ni conclure d'armistice ou de traité de paix, oui, sans un accord commun. Ils n'ont qu'une peur aussi, mais viscérale, c'est que la flotte française tombe aux mains des Allemands. Donc, continuer à avoir de bons contacts avec le gouvernement de Pétain, c'est essentiel, et il s'inquiète de la teneur de l'appel du général de Gaulle, donc il demande à connaître, bien sûr, cet appel avant qu'il ne l'enregistre, et on voit que deux phrases ont été changées. Alors attendez, on va y venir, mais il faut fonctionner heure par heure, presque minute par minute. Réunion du cabinet britannique à 12h30. Churchill n'est pas là parce que le 18 juin, c'est l'anniversaire de Waterloo. Alors je crois que Churchill a fait une croix, exceptionnellement, en cette année néfaste 1940 sur l'anniversaire de Waterloo. Mais Churchill doit parler aux communes. Le grand discours du 18 juin, c'est le discours de Churchill. Enfin, c'est celui qui était prévu, attendu. Et alors du coup, c'est Chamberlain qui préside la réunion du cabinet. Et alors Chamberlain, il est pas du tout disposé à provoquer Pétain. Et le cabinet refuse l'enregistrement en l'absence de Churchill. Et il va falloir que le général Spears fasse, à Aurélie Luneau, le tour des popotes, le tour des ministres, aille voir Churchill après sa sieste pour obtenir la possibilité de l'enregistrement. Tout à fait. Edward Spears donc ne dit rien au général de Gaulle, avec qui il avait d'ailleurs déjeuné et qu'il voit régulièrement dans cette journée. Mais par contre, il fait la navette entre Churchill, entre les ministres, entre donc ce cabinet britannique, et il met toute son énergie pour convaincre les ministres d'autoriser le général de Gaulle. Et alors, on n'a pas les documents, les archives qui nous permettent de vraiment reconstituer ça dans le détail, mais on voit bien qu'il remporte l'autorisation et le général de Gaulle pourra accéder à la BBC. Alors, ne sachant pas exactement ce qui s'était passé ou faisant semblant de ne pas le savoir, le général de Gaulle arrive à la BBC. Alors, faut imaginer l'immeuble qui est aménagé comme un réduit de défense qui se prépare à soutenir un siège quand la campagne d'Angleterre va commencer. Vous êtes allé d'ailleurs dans cet immeuble, Aurélie Luneau. Oui, qui depuis, en fait, cet immeuble a été modernisé et une nouvelle aile aussi a été rajoutée plus moderne. Mais à l'époque, Broadcasting House, c'est le siège de la BBC qui se trouve à Portland Place. Et c'est un siège qui a été inauguré en 1931. Un bâtiment qui a une forme arrondie, qui comporte 5 étages. C'est un style très art déco. Et il y a effectivement un grand hall marbré, une grande porte magistrale. Et puis une inscription qui résume aussi le rôle de la BBC. On peut y lire « Travailler pour la vérité et l'amitié des peuples ». Il faut rappeler que la BBC aussi avait cette devise qui était « Informer, éduquer, divertir. Donc c'est le lieu, et effectivement, comme vous disiez, Jean Lebrun, c'est il y a des sacs de sable, il y a des protections, on se prépare à une attaque aussi sur Londres, et effectivement, Londres va beaucoup souffrir de l'aviation allemande. Vous avez recueilli sur place naguère le témoignage de l'incontournable, de notre maître à tous, du regretté Jean-Louis Crémieux-Briac. Il a été accueilli dans le hall par le directeur de la BBC, ou de l'information de la BBC, Talens, Elizabeth Barker, qui était une remarquable politologue, l'a guidé jusqu'au studio. Et Jean Marin et Oberlé, deux journalistes français qui étaient à Londres à ce moment-là, ont assisté à l'arrivée et racontent que le général de Gaulle a mis son képi à l'envers sur une chaise et a enlevé ses deux gants blancs et mis ses deux gants blancs dans le képi. Puis les deux speakers français ayant achevé le récit des nouvelles se sont éclipsés. Le général de Gaulle s'est assis devant le micro, on lui a demandé un essai de voix. Il a dit « La France ». Et puis l'émission a commencé. 1965, Elizabeth Barker. Je l'ai conduit au studio. Il marchait à très grands pas, en regardant toujours en avant. Le général s'est assis. J'avais l'impression qu'il ne voyait rien et personne au studio, sauf le micro. Il le fixait des yeux, comme s'il voulait le dominer. Ou peut-être comme si ce petit objet métallique était le peuple français tout entier. Là, les témoignages, Aurélie Luneau, Concorde, Marin, Jean Marin, Morvan, à l'origine, Oberlé, qui faisait partie des premiers journalistes français à avoir voulu rester à Londres, doivent dire la même chose que Crémieux-Briac et que Elizabeth Barker. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est Jean Oberlé qui dira à Jean Marin, quand le général de Gaulle sortira du studio, il lui dira cette phrase fameuse, il sort du studio, mais il entre dans le Petit Larousse. Là effectivement, nous avons les témoignages qui permettent de relater ce qui s'est passé précisément dans ces couloirs. Et comme vous le disiez, Jean-Louis Crémieux-Briac avait réalisé aussi en son temps cette histoire formidable de la France libre. Quel grand résistant et grand témoin, grand historien de cette époque-là, et ça avait été un moment assez formidable de se mettre dans les pas du général de Gaulle avec Jean-Luc Crémieux-Briac quand on est retourné sur place. Et nous avions pu rentrer aussi dans les locaux de la BBC. Alors il y a quand même encore dans ces histoires et dans cette histoire qui n'est pas blanche ou noire mais pour laquelle il reste encore des zones d'ombre, on ne sait pas vraiment si le général de Gaulle était dans le studio 4B, 4C ou 4D. Ah. Voilà, tout ne concorde pas dans les témoignages. Et on entendait aussi la parole d'Elizabeth Barker, qui était une femme formidable, devenue une très grande politologue, et c'est elle qui a signé un document précisant à quelle heure justement le général de Gaulle, le discours du général de Gaulle avait été donné sur les antennes. Alors l'appel du 18 juin, on sait que c'est un diagnostic. Pourquoi avons-nous été submergés par la puissance mécanique? On sait que c'est une prédiction. Vous verrez, les deux empires britanniques et français peuvent travailler ensemble et les États-Unis rejoindront notre cause. Et puis, c'est enfin un appel. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Mais dites-moi, c'est bien d'entendre Jacques Boudet, le comédien, mais pourquoi on n'entend pas le général de Gaulle, Aurélie Luneau ? Alors on n'entend pas le général de Gaulle parce qu'en fait l'appel du 18 juin, même si tout corrobore pour dire que avec toutes les archives exhumées qu'il a été enregistré le 18 juin, l'enregistrement n'aurait pas été conservé. Donc tout nous donne à penser que le général de Gaulle s'est présenté sur les coups de 18h. Il y avait un créneau à 18h15 avec des actualités en langue française qui passaient. Il s'est présenté dans le studio, il aurait enregistré son appel à 20h15, inspiré speaker, lors d'un autre bulletin d'information en langue française, aurait annoncé qu'un général de Gaulle prendrait la parole à 22h. Et à 22h, le document sonore a été diffusé. Et c'est là qu'on a aussi plusieurs témoignages des archives, mais notamment cette archive aussi écrite par Elisabeth Barker, qui mentionne 22h, passage général de Gaulle, et elle précise même qu'il n'a pas été payé pour sa prestation. Donc il n'y aurait pas, jusqu'à plus ample informé, d'enregistrement de l'appel du 18 juin. Non. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, aucun document n'a été retrouvé. Et on suppose que, comme à l'époque, on utilisait des disques qui étaient eux-mêmes réutilisés, que ce jour-là, ce général méconnu, donc inconnu, on imagine aussi des Anglais qui pouvaient se trouver à la BBC, mais méconnu aussi en France, ce général, que représentait-il? Qui pouvait dire que cet appel allait entrer ainsi dans l'histoire? Par contre, l'appel du 22, quand il revient pour lancer un deuxième appel, celui-ci est conservé, et c'est celui-ci qui est souvent utilisé et donné à entendre, parce qu'il est aux archives nationales. C'est celui qui sera entendu notamment sur l'île de Sein, on y reviendra demain plus longuement. Mais vous parliez de deux phrases qui auraient été modifiées ou qui auraient disparu. Alors, il y a pas mal de versions imprimées, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs toutes les mêmes, de l'appel du 18 juin, sur les monuments aux morts, sur les plaques commémoratives, il y a souvent, avec le double drapeau tricolore, un texte daté du 18 juin 1940. C'est pas le texte de l'appel du 18 juin, stricto sensu, Aurélie Luneau? Et non, c'est le texte de l'affiche. D'ailleurs, vous pouvez voir en haut de ce texte « À tous les Français ». C'est un texte qui a été écrit courant du mois de juillet 1940 et diffusé, affiché en Angleterre les 3 et 4 août, paru dans le Times le 5 août. Et c'est en dessous de ce titre « À tous les Français », il y a cette fameuse phrase « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre ». Eh bien, cette phrase, elle est sur l'affiche « À tous les Français », mais elle n'était pas dans l'appel du 18 juin et on la confond souvent. Alors, on posera la question de l'écoute. À la suite de tous les appels répétés qui se sont succédés à partir du 18 juin, de l'écoute du général de Gaulle. Mais on l'a lu aussi, le général de Gaulle. Je veux dire que la presse du sud de la France, qui n'était pas encore sous la tutelle du régime de Pétain, la presse étrangère, a pu publier, en partie au moins, l'appel du 18 juin. Oui, oui. Dès le lendemain, en fait, quelques journaux en France reproduisent l'appel, alors soit dans sa totalité et en une, comme par exemple le Petit Provençal. Également, dans Marseille Matin, on trouve le texte complet, dans le Petit Marseillais, et puis quelques extraits dans la Petite Gironde, par exemple. Donc, le Progrès de Lyon aussi avait reproduit l'appel dans la totalité. Tout simplement parce qu'à l'époque, il y a aussi des écoutes en France. Donc, les écoutes françaises, à l'image des écoutes suisses, avaient pu retranscrire l'appel, ce qui nous a permis aussi de confronter les textes et de se rendre compte que les deux premières phrases de l'appel, eh bien, le général de Gaulle avait dû adoucir sa version pour ne pas entamer, en tout cas, ou gâcher les relations diplomatiques entre les Britanniques et le gouvernement qui était basé à Bordeaux. Oui, Jean Monnet, le soir du 17, avait été effrayé par ce que disait le général de Gaulle de Pétain. Il lui avait conseillé de modérer le ton parce que son maître d'hôtel, ils dînaient ensemble, était un ancien de Verdun. Est-ce qu'on pourrait terminer, Aurélie Luneau, d'abord en signalant l'appel du 18 juin 40, c'est votre dernier livre, c'est chez Flammarion, les deux précédents sur la radio de Londres, en signalant que vous allez faire partie de l'équipe qui va commenter demain les cérémonies du 18 juin présidées par le président de la République, qui s'envolera à Londres, mais pas dans un flamingo, dans un avion plus grand. Est-ce qu'on peut terminer par cette citation de Claude Guy, l'aide de camp du général de Gaulle, et qui recueillait ce propos après la guerre? Ils me font marrer avec leur appel du 18 juin. C'est de Gaulle qui parle. Ils s'en gargarisent. Ils se gardent bien de parler d'autre chose. Mais ce que chacun semble ignorer, c'est la dose incroyable de patience, la lente maturation, l'obstination, la succession vertigineuse de négociations, de combats, de voyages qu'il a fallu affronter pour mener à bien notre entreprise, la France libre. Merci à vous, Aurélie Luneau. Et demain, sur l'antenne de France 2, nous serons avec Bénédicte Vergès-Chaignon pour parler des appels successifs du général en écho à ceux du maréchal tout au long du mois de juin 1940. LM Hélène Kouyoumdjian, Alexandre Chenet, ici à la Maison de la Radio, renforcé très exceptionnellement par Frédéric Martin et Linka Negulesco, Franck Olivard, l'équipe à distance de la Marche de l'Histoire.